إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الحمد لله رب العالمين. Se retrouve aujourd'hui, encore une fois par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour continuer la série des cours sur l'explication de Juz Amma. Et nous en sommes arrivés au cours numéro 23 et à la Sourate Ad-Duha. Sourate Ad-Duha, le jour montant. Et c'est une sourate qui est mécoise, pré-hégérienne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ses créatures, il jure par ses signes. Car on avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut. Tandis que la créature, lui, il ne lui est pas autorisé de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure par ses signes, car il y a derrière cela une leçon à tirer et des bénéfices à en tirer. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى إلى آخر السورة. Allah subhanahu wa ta'ala dans le premier verset, il jure par le jour montant. Il jure par le jour lorsque sa lumière se propage à l'aube. Ici le jour montant, comme les savants disent, c'est lorsque le jour, lorsque la lumière du jour se propage à l'aube. Donc ce signe est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallayli idha saja, par la nuit quand elle couvre tout. On avait vu plusieurs versets qui montrent cela. Allah subhanahu wa ta'ala jure par la nuit quand elle couvre, quand elle recouvre la terre par son obscurité. Et chaque chose se tranquillise, s'apaise. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la nuit un repos et un apaisement. Comme il a dit dans Sourate les Bestiaux, verset 96, il a fait de la nuit une phase de repos. Donc comme on a vu auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala il a assigné le jour pour les affaires de la vie dans ce bas monde, pour faire les efforts dans les affaires mondaines et religieuses, et la nuit pour se reposer. Et cela fait partie des plus grands bienfaits d'Allah, les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala montre pourquoi il a juré. Donc là, il a juré par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Pourquoi? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala « Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala » Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Naam. C'est-à-dire que ton Seigneur ne t'a pas délaissé depuis qu'il a pris soin de toi. Il ne t'a pas négligé depuis qu'il t'a éduqué et protégé. Mais plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de t'éduquer de la meilleure des façons et de t'élever degré en degré. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. C'est-à-dire qu'il ne t'a pas détesté depuis qu'il t'a aimé. Car il est certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est certes la créature la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il l'a choisi en tant que Khalil. En tant que Khalil, en langue arabe. Et le Khulla en langue arabe, c'est le degré le plus élevé dans l'amour. Naam. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour le plus énorme des messages. l'a choisi pour transmettre le message. Il l'a fait en tant que dernier des prophètes et messagers. Et il a choisi la meilleure des communautés. Et il a fait de lui le dernier des prophètes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a ni abandonné, ni détesté. Naam. Tayyib. Il dit ensuite, وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. La vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Allah montre ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur que dans cette vie présente. Est meilleur que dans cette vie présente. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé dans le paradis est meilleur que dans la vie d'ici-bas. Car il y a dans l'au-delà ce qu'aucun œil n'a vu, et ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Naam. Donc c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé le choix au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de sa maladie. Lorsqu'il allait, son terme allait arriver, sa mort approchait, Allah subhanahu wa ta'ala lui a laissé le choix. Entre le fait de choisir cette vie d'ici-bas, ce qu'Allah lui donnera parmi les choses dans cette vie d'ici-bas, ou ce qu'il y a auprès d'Allah. Et il a choisi ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, lorsqu'il est monté sur le minbar et qu'il a fait un prêche et qu'il a dit aux gens, certes, un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, à qui on a donné le choix, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix entre vivre dans cette vie d'ici-bas, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, ou entre choisir ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, il a pleuré. Il a pleuré. Et les gens se demandaient, ils se sont étonnés, pourquoi il pleure? Le professeur Salim, il a dit, certes, un serviteur, il n'a pas dit que c'était lui. Qui ne savaient pas ici les gens. Mais Abu Bakr, qui était celui qui connaissait le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus savant des gens, à ce moment-là, il a su que celui qui avait, de qui parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lui, était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la vie dernière est certes meilleure que la vie présente. Il dit ensuite, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Naam, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs dans l'au-delà, et alors tu seras satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera ce qui te satisfera, et tu seras satisfait. Dans cette vie d'ici-bas, il te donnera. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le secours. Il lui a donné le secours à son prophète et à son messager. Il lui a donné des miracles. Le meilleur de ces miracles, le Coran. Et il t'accordera aussi le jour du jugement la grande intercession. Il te ressuscitera en une position de gloire spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il n'a pas accordé à autre que lui. Il n'y a pas de doute que ceci est une énorme est un énorme don d'Allah subhanahu wa ta'ala que personne n'a obtenu parmi les créatures à part lui. Comme on avait vu ce jour terrible, le jour du jugement. Chacun dira nefsi, nefsi, sa propre âme. Ils iront voir tous les messagers, les prophètes. Chacun dira nefsi, nefsi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera ce don, cet énorme bienfait. Naam. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les faveurs qu'il a accordées à son prophète spécifiques à lui. Il dit Alam yajidka yatiman fa'awa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il a accueilli. C'est-à-dire ici c'est pour affirmer ici, bien sûr, c'est-à-dire qu'il t'a trouvé n'ayant ni mère ni père. Car son père, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère, où il a été dit juste après. Et sa mère est morte alors qu'il était jeune. Ibn Kathir, il nous dit dans son explication, dans le tafsir, yani qu'il est mort à l'âge de quand il avait 6 ans. Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait se suffire à lui-même. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala l'a abrité et a fait en sorte que son grand-père Abdul Muttalib le prenne en charge. Et lorsque son grand-père mourut, son oncle Abu Talib le prit en charge aussi, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire et le secours. Et il l'a soutenu par sa victoire et par celle des croyants. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il donne, il accueille, hein, il donne refuge aux croyants aussi, à ceux qui lui obéissent, hein, et ceux qui s'éloignent de ses interdits. Il leur facilite, comme il a fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى » Ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors il t'a guidé? C'est-à-dire qu'il t'a trouvé alors que tu ne connaissais pas le livre ni la foi. Quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici, égaré, ne t'a-t-il pas trouvé égaré? C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le livre et ni la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Hein? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Tu n'étais pas connaisseur du livre et de la foi. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate la consultation verset 52. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, c'est-à-dire le Coran, provenant de notre ordre, tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate les femmes, verset 113, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné ce qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas, il lui a donné la révélation, et il l'a guidé, et il lui a donné la réussite dans les meilleures œuvres et dans les meilleurs comportements. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il a enrichi. Naam. Et ainsi, pour le verset juste avant, celui qui cherche à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant sincère et qu'il fait les efforts, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Allah subhanahu wa ta'ala lui le guide et lui facilite. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il a enrichi. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne possédait rien. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala l'a enrichi dans ce qu'il a conquéri, dans les conquêtes, dans les butins. Hein? Ils avaient beaucoup de butins avec les compagnons lors des guerres. Et ce fut une aide pour lui dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, car il a dépensé cette richesse dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les intérêts des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a raffermi par cela. Et il lui a donné cette richesse pour l'aider à transmettre le message pour les gens. Et afin de le dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi celui qui est pauvre. Mais qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il va lui faciliter. Et il le Et il lui donnera la richesse s'il le veut. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné tous ses bienfaits, il lui interdit d'oublier ses bienfaits et de ne pas avoir de la compassion envers les orphelins et les demandeurs. Il dit فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. C'est-à-dire, comme toi tu étais orphelin et Allah t'a accueilli, ne maltraite pas, c'est-à-dire n'agis pas de façon mauvaise envers l'orphelin. Et ne sois pas gêné, dérangé vis-à-vis de lui. Ne te mets pas en colère et ne le repousse pas, mais bien au contraire, honore-le. Sois généreux avec lui et donne-lui dans la mesure du possible. C'est-à-dire si tu n'as pas de quoi lui donner, ne le repousse pas violemment, mais donne-lui des bonnes paroles. Hein, dis-lui des bonnes paroles. Et agis avec lui comme tu aimerais qu'on agisse avec ton enfant après ta mort. Non. Taïb. Et ça, c'est général pour tous les musulmans. Qu'ils soient bienfaisants. Allah subhanahu wa ta'ala ici leur donne d'être bienfaisants envers les orphelins. On avait déjà parlé un peu de ça. Donc s'ils n'ont pas d'argent, ces orphelins, s'ils n'ont pas de biens, alors on dépense pour eux. Mais s'ils ont de l'argent, s'ils ont des biens, alors on protège leur argent. Alors on protège leur argent. Et on dépense pour eux jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et ça fait partie de la bienfaisance envers l'orphelin. Le fait de protéger son argent lorsqu'il en a. Et de ne pas la dépenser dans les choses inutiles. Ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma as-sa'ila fala tanhar. Quant au demandeur, ne le repousse pas. C'est-à-dire, lorsque le demandeur vient à toi, ne dis pas une parole qui pourrait le repousser de ce qu'il recherche, en étant violent ou en le réprimandant. Mais plutôt, donne-lui ce que tu peux, ou dis-lui une bonne parole, une parole douce. Car si tu n'as pas la capacité de l'aider, cette personne qui te demande, réponds-lui avec bienfaisance et bon comportement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sens du demandeur ici dans le verset, comme ils disent les savants, hein, celui qui vient demander, ici ça comprend celui qui vient demander de l'argent et celui qui vient demander la science bénéfique, religieuse. Hein, c'est pour cela que l'enseignant, celui qui enseigne aux gens la religion, il lui est ordonné d'avoir un bon comportement avec celui qui veut apprendre. Il doit agir avec lui avec douceur et générosité. Hein, car il y a dans cela une aide pour lui à atteindre son but et une noblesse pour celui qui s'efforce dans le profit des serviteurs. Donc non seulement il aide ce demandeur à acquérir la science, à atteindre son but, mais c'est une noblesse aussi pour celui qui lui enseigne, pour l'enseignant. C'est une noblesse pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il s'efforce à enseigner aux gens, à faire profiter les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Hein, et ceci comprend les bienfaits religieux et mondains. Proclame-le, c'est-à-dire fais les louanges d'Allah pour ses bienfaits qu'il t'a accordés. Et mentionne-les de façon spécifique s'il y a dans cela un intérêt. Hein, le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné telle chose, Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah, il m'a donné telle science, il m'a donné telle chose, il m'a donné telle... S'il y a un intérêt à le proclamer, alors fais-le. Proclame les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la langue, car cela est un remerciement. Mais aussi reconnais ses bienfaits avec le cœur, car cela fait partie aussi du remerciement. Et le fait aussi d'utiliser ses bienfaits dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et ce n'est pas convenable, comme ils disent les savants, de proclamer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala par vantardise ou par orgueil envers les créatures. Cela est une chose blâmable. Il ne convient pas de faire. Naam. Ainsi se termine l'explication de cette surah. Surat al-Duha. On va continuer, inshallah ta'ala, avec surat al-Sharh. La surat qui vient juste après, surat l'ouverture, qui est aussi une surat mekwaz. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en montrant ses bienfaits sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit alam nashrah laka sadrak. Ici la question, quand il dit alam nashrah, c'est-à-dire n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, ici c'est une question pour affirmer. C'est pour certifier le sens, c'est quoi? C'est certes. C'est comme si tu disais qad sharahna laka sadrak. Certes, nous avons ouvert pour toi ta poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élargi. Certes, nous avons élargi ta poitrine à la religion, à la science et à la foi, à l'iman, ainsi qu'à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala les gens. Nous avons élargi ta poitrine au noble caractère, au bon comportement. Et afin que tu accours vers l'au-delà et que te facilite la voie du bien. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate les groupes, verset 22, est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Donc ici, nous avons élargi ta poitrine. Elle n'était pas étroite et resserrée. Et qu'il ne se soumet pas au bien et qu'il ne soit pas heureux. Mais bien au contraire. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate les Bestiaux, verset 125. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert, c'est-à-dire au sens qu'il a élargi sa poitrine, un pot à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il soit parmi les guidés. Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, « وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos ? C'est-à-dire, certes, nous t'avons pardonné tes péchés passés et futurs, car ce verset ici, « Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau ?» il a le même sens que le verset numéro 2 dans Sourate Al-Fath, la victoire éclatante. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, « Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a déchargé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce fardeau. Il lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Et ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a accablé ton dos. Hein? Alladhi anqada dhahrak, c'est-à-dire qui alourdissait ton dos. C'était un fardeau pour ton dos, c'était lourd. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a déchargé de cela, il lui a pardonné ses péchés, passés et futurs. Wa rafa'na laka dhikrak, et exalté pour toi ta renommée. C'est-à-dire, nous avons élevé ton rang. Nous avons élevé ta renommée dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, dont personne n'a bénéficié parmi les créatures, excepté toi, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'on ne mentionne pas Allah subhanahu wa ta'ala sans mentionner avec lui son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cela lorsque la personne, par exemple, rentre dans l'islam. Elle dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ». Elle prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait partie de quoi ? Qu'Allah il a élevé sa renommée. Lors de chaque prière obligatoire, le mu'adhin, celui qui fait l'adhan, il monte dans un endroit élevé et il fait l'adhan. Qu'est-ce qu'il dit ? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Il prononce le nom d'Allah ainsi que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son messager. Lors de l'iqama aussi. Et même lors de toutes les prières, au moment du tashahhud, quand tu fais le tashahhud, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisant ses éloges, etc. Ça fait partie aussi de quoi ? De l'élévation de sa renommée. Dans les discours, les prêches, et dans bien d'autres situations, à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala élève la renommée de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a en cela l'amour dans les cœurs de sa communauté, envers leur messager et prophète, et le respect qu'ils ont pour lui. Car c'est la créature qui doit être aimée le plus que toute autre créature. Et cela fait partie de l'élévation de sa renommée. Et il y a aussi le fait de... Cela fait partie aussi d'élever sa renommée qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis deux conditions dans l'adoration. Dans chaque adoration que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux conditions. La sincérité, comme on a pu voir, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a en cela, hein, la renommée, l'élévation de la renommée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu fais une adoration, tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour lui, en cherchant son visage, pas d'ostentation. Et en même temps, tu te rappelles qu'en faisant cette adoration, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela fait partie d'élever sa renommée. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ » À côté de la difficulté, certes, une facilité. À côté de la difficulté, et certes, une facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a récité le même verset, sauf qu'il a rajouté fa au début, dans le premier. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ici, c'est une immense bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et à sa communauté. Et c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une difficulté vient, vient la facilité. Car la difficulté ne perdure pas. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate le divorce, verset 7, « Et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. » Donc la facilité, elle accompagne tout le temps la difficulté. Même, comme ils disent les savants, même si la difficulté entre dans un trou de lézard, la facilité entrerait aussi pour la faire sortir. Car elle est tout le temps liée. Donc à côté de la difficulté est certes une facilité. Hein? Et comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, sache que le secours vient après la patience, que la délivrance vient après la détresse, et qu'après la difficulté vient la facilité. Donc ici, il ne faut pas désespérer de voir toute délivrance venir, ni l'arrivée du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, la facilité. Hein? Ça, ceci est la voix des prophètes. Ceci est la voix des prophètes, hein, que les éloges et le salut soient sur eux, et celle de leurs suiveurs. Ils ne désespèrent pas, ils ne désespéraient pas, quelles que soient les circonstances, les peines, les difficultés, les afflictions qui les touchaient ou qui s'abattaient sur des musulmans. Hein, loin de là, ils avaient une confiance totale quant à l'arrivée imminente du secours d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car Allah ne manque jamais à sa promesse. Et comme il a dit Ibn Abbas, radiallahu anhu, par rapport à ce verset, il dit, une difficulté ne pourra pas vaincre deux facilités. Hein, une seule difficulté, ne pourra pas vaincre deux facilités. Pourquoi il dit ça? Comment comprendre cette parole à travers ce verset? Il y a une règle importante à savoir que les savants de ce qu'on al-Balagh, à ce qu'on appelle, mentionnent. Écoutez bien, Inch'Allah ou Ta'ala, car elle est importante pour bien comprendre, Inch'Allah, cela. Ici, ils disent, les savants, si le mot est répété deux fois sous la forme de défini, sous la forme de défini, c'est-à-dire qu'il y a le pronom « elle », hein, le pronom « le » et « la », hein, cela signifie que la deuxième fois, quand il sera répété le mot, ça sera la même chose que la première fois. C'est-à-dire que le mot ici, « al-usr », quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « fa inna ma'al usri yusra », donc il y a le « al-usr » une première fois ici, et dans l'autre « inna ma'al usri yusra ». Donc le mot « al-usr », ici, il est défini. Il signifie « la difficulté », il y a le pronom ici, « la ». Il est déterminé, il y a l'article défini. Donc ici, le mot « la difficulté », il est répété deux fois. Et ça signifie quoi, en fait? Ça signifie qu'en fait, c'est qu'une seule même chose. Les deux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule difficulté, même s'il est répété deux fois. D'accord? Mais quand le mot il est répété deux fois, mais en étant indéfini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'article ici de hein, « de elle »,« le » ou « la », comme ici, par exemple, « فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى » une facilité. Ici, il n'est pas défini. Donc, il est répété deux fois. Est-ce que c'est la même chose? Non. Ici, ce n'est pas le même. C'est deux facilités différentes. Une facilité ici, c'est comme si qu'il y avait deux facilités. Donc, une seule difficulté ne peut vaincre deux facilités. C'est ça la parole de Ibn Abbas, hein, qu'Allah l'agrée, pour bien comprendre. Inch'Allah ou Ta'ala. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné cela, il ordonne à son messager à la base, en tout premier lieu, et les croyants, puis les croyants par la suite, d'être quoi? D'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et de s'acquitter des obligations des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Quand tu te libères, donc lève-toi. فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Quand tu te libères, donc lève-toi. C'est-à-dire quand tu as terminé tes occupations, quand tu as terminé, tu es libéré de tes occupations mondaines et qu'il ne reste pas dans ton cœur ce qui pourrait te gêner, alors fais des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les invocations. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Et le mot fansab ici, c'est la fatigue en fait. Fatigue-toi, efforce-toi, fatigue-toi dans les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir été occupé, car tu as du temps libre. Car tu as du temps libre. Et le temps libre, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est venu dans le hadith. Hein, le hadith de Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont perdants. La santé et le fait d'avoir du temps libre. Hein, c'est-à-dire que les gens ils ne connaissent pas la valeur de ces deux bienfaits. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en profitent pas pour accomplir des bonnes actions dont ils auront besoin dans l'au-delà. Hein, puis au moment où ces bienfaits disparaissent, ils regrettent d'avoir perdu leur vie dans ce qui n'est pas bénéfique. Mais le regret, à ce moment-là, il ne servira à rien. Donc une fois que tu as du temps libre et que tu as fini tes occupations mondaines, quelles que soient, travail, tes occupations avec les enfants, etc., etc. À ce moment-là, une fois que ton cœur il est apaisé, fatigue-toi, efforce-toi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les invocations. Et encore plus spécifique dans ces derniers moments où on est, dans les dernières nuits de Ramadan. Profitez de ce temps libre, le soir, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et pour l'invoquer. Ensuite, il dit « Wa ila rabbika farghab ». Il dit Allah subhanahu wa ta'ala ici dans la traduction approximative, dans le dernier verset, « Et à ton Seigneur, aspire. » Et à ton Seigneur, aspire. C'est-à-dire ici, « Et à ton Seigneur seul. » Ici, c'est, parce qu'en langue arabe, c'est en vérité, tu dirais « Il rab ila rabbik » à la base. Tu mettrais le verbe avant « Il rab ». Tu dirais par exemple « Aspire à ton Seigneur. » Mais ici, on l'a fait précéder. Pourquoi ? Parce que ça indique la restriction. C'est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, toi, ton désir, il est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui seul qui mérite l'adoration. Wa ila rabbika farghab. Et ça fait partie de l'unicité. Car le fait de désirer dans l'adoration ou dans les invocations, elle est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc ici, « Et à ton Seigneur, aspire. » C'est-à-dire, « Et une grande espérance, un grand désir ardent qu'Allah exauce tes invocations et accepte des adorations. » Et une grande espérance et espoir en Allah subhanahu wa ta'ala fortement. Désir ardemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes invocations et accepte tes invocations. Exauce tes invocations et accepte tes adorations. Et ne sois pas comme ceux que quand ils ont du temps libre, ils s'amusent dans les choses inutiles et se détournent de leur Seigneur et de son rappel. Car si tu fais cela, tu seras parmi les perdants. Tu seras parmi les perdants. Donc il convient à chaque musulman, chaque musulmane de ne pas perdre son temps dans les temps libres. Et seulement de s'occuper de ce temps dans ce qui est bénéfique pour sa religion. Hein, et pour sa dunya. Pourquoi ? Parce que le temps libre, comme on a dit, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui est occupé, à ce moment-là, il ne peut avoir du temps libre. Hein, il se dit, si seulement j'avais du temps libre pour faire ceci, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est occupé à ce moment-là. Donc au moment que tu as du temps libre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te permet d'avoir du temps libre, à ce moment-là, profite, saisis l'occasion et la ferme résolution d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invoquer, etc. Car le temps libre est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ainsi se termine l'explication de cette surat al-Sharh, l'ouverture. نعم والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.